Combien de paroles, combien de regards et de mains qui se frôlent, le corps qui balance, fil du plaisir sur les nuits des vacances, combien de silence, romans inachevés, combien de souvenirs échoués sur le sable d'une plage abandonnée. Alors